Aidez-moi, Méli-Mélo, j'ai perdu le bateau. Aidez-moi, me laissez pas là dans ce cachalot. C'est donc toi que je supplie qui marque le tempo. Là dans l'eau de l'au-delà, tu me laisses en solo. J'étais fidèle et si je le suis, j'ai gâché la confiance, j'ai gâché l'amour aussi. Ne pas savoir juger de l'importance d'une parole donnée, ma désobéissance. Aidez-moi, Méli-Mélo, j'ai perdu le bateau. Aidez-moi, me laissez pas là dans ce cachalot. C'est donc toi que je supplie qui marque le tempo. Là dans l'eau de l'au-delà, tu me laisses en solo. Maintenant j'ai compris que l'on pardonne à celui qui implore, à celui qui raisonne. De donner son amour à perdre haleine ou choisir de finir dans le ventre d'une baleine. Aidez-moi, Méli-Mélo, j'ai perdu le bateau. Aidez-moi, me laissez pas là dans ce cachalot. C'est donc toi que je supplie qui marque le tempo. Là dans l'eau de l'au-delà, tu me laisses en solo. Méli-Mélo, j'ai perdu le bateau. Aidez-moi, me laissez pas là dans ce cachalot. C'est donc toi que je supplie qui marque le tempo. Là dans l'eau de l'au-delà, tu me laisses en solo. Dites-moi, monsieur Jonas, si je résume bien la situation. Dieu vous a demandé un service, vous ne lui avez pas rendu, et du coup, vous vous retrouvez à l'intérieur de Bubule, notre poisson rouge. Vous qui avez l'air de vous y connaître en poissonnerie, ça va mettre combien de temps avant qu'on soit définitivement digéré dans ce ventre visqueux, à l'odeur douteuse? Si j'ai bien lu le livre, le poisson va me vomir, non? Mais oui, nous allons sortir. Dieu va me pardonner et me libérer de ses entrailles. Mais toi, Adélie, tu as compris le message? La clé de la vie est aussi dans mon histoire. C'est l'obéissance. Mais bien sûr. Bah voyons, et tu lui fais confiance, toi, ce Jonas entretien. Jonas. Jonas, c'est son nom. N'essayez pas de m'embrouiller tous les deux. Mon histoire, les amis, vous rapproche de la clé de la vie. Elle nous apprend l'obéissance. Obéir. Obéir à ceux dont vous avez confiance, à ceux que vous aimez et qui vous aiment. Tenir sa promesse pour ne pas décevoir. L'obéissance est un des éléments de la clé de la vie. Vous allez maintenant être expulsé du poisson pour poursuivre votre aventure. Allez, Dolly, Flip, accrochez-vous, c'est maintenant. Dolly, récupère Bubule et remets-le dans l'aquarium. Voilà. Dire que Jonas est resté à l'intérieur de Bubule. Mais non, tête de pluche. Jonas est resté dans le livre et Bubule a retrouvé sa place dans son aquarium. Tout ça est totalement fou. Et pourtant, si rien de tout ce qui nous arrive ne semble possible, j'ai vraiment l'impression que cette histoire complètement dingue est bien réelle, non? Réelle? Ah, oh, j'espère que non. Regarde, il y a comme de la fumée dans ta salle de bain. Alors, ou ta brosse à dents a un coup de chaud, ou un monstre va encore débouler en crachant du feu. Non, regarde, c'est pas de la fumée, c'est de la poussière. Je crois que c'est un homme qui arrive à cheval. Une arrivée en porte-avions, ça aurait été pas mal non plus, hein. Oh, doucement. Alors vous, c'est Lucky Luke, c'est ça? Non, moi c'est Joseph, je suis le plus jeune fils de Jacob. Mais Jacob, c'est qui? Montez avec moi, je vais vous expliquer. Je vais rejoindre mon père à Canaan. Flip, n'essaye même pas de râler. Monte avec moi sur ce cheval et tais-toi, c'est clair? Oh, j'en ai marre de tous ces fils à leur père, des mères à leurs fils, et de ces frangins, ces frangines, ces voisins, ces voisines! Voilà, nous y sommes. Vous êtes Jacob? Vous faites quoi, vous, dans le livre? Je suis le petit-fils d'Abraham. Moi aussi, je suis un des prophètes de ton livre. Dieu me parle et je l'entends. J'ai eu 12 enfants. Joseph est un de mes deux derniers fils. Il fait partie de la deuxième demi-douzaine, quoi. Philippe, je ne me moque pas, je compte. Joseph était, je le reconnais, mon préféré. Peut-être en tout cas aux yeux de ses frères, mais en vérité, on ne peut jamais penser cela d'un père ou d'une mère. Tous nos enfants reçoivent le même amour. C'est peut-être juste que Joseph était un des plus jeunes, et ses frères ont été jaloux de lui. Jaloux au point de le vendre comme esclave aux Égyptiens, et de me faire croire qu'il avait disparu. C'est pas vrai ! Décidément, on aura tout vu dans ce livre ! J'ai été enfermé, et puis un jour Pharaon, le prince d'Égypte, a su que j'avais un don. Le don de savoir interpréter les rêves. C'est-à-dire ? Lorsque vous faites un rêve, je sais expliquer pourquoi vous l'avez fait et ce qu'il va se passer ensuite. Moi, quand je rêve de bonbons, ça veut dire que je suis en train de mourir de faim, alors. Pharaon faisait un rêve qui le perturbait. Alors il m'a demandé de lui expliquer pourquoi il faisait ce rêve. Et j'ai gagné sa confiance. Je suis devenu un de ses proches. Et des années plus tard, j'ai retrouvé mon père, Jacob, qui me croyait mort. J'ai tellement souffert croyant l'avoir perdu. Mais aujourd'hui que je le sais vivant et heureux, je veux lui dire que je l'aime, lui. Et ses frères, malgré tout ce qui est arrivé, l'histoire d'un père et son fils, une histoire éternelle.